On a vu en lui l'homme de tous les mauvais coups, une sorte de montreur de marionnettes qui avait la haute main sur nos services de renseignement et manipulait à distance les dirigeants de l'empire franco-africain, ce qu'on appelle aujourd'hui la France-Afrique. Je veux parler, bien sûr, de Jacques Foccart, le principal conseiller du général de Gaulle, l'homme à qui de Gaulle, lorsqu'il était président de la République, accordait chaque soir un entretien d'un bon quart d'heure. C'est dire son influence et aussi son pouvoir. Pourtant, Foccart, qui a joué un si grand rôle et continuera de conseiller les présidents gaullistes Pompidou et Chirac jusqu'à sa mort en 1997, a toujours veillé à rester dans l'ombre et à parler le moins possible, ce qui, naturellement, a accru la légende de ce père Joseph de la Ve République. Dans un premier temps, M. X a retracé les débuts de la carrière de Foccart, une famille bourgeoise, aux origines imprécises et peut-être mystérieuses, une éducation religieuse très stricte. Puis, l'import-export et la résistance avec, ici et là, quelques points obscurs. En tout cas, très vite, Foccart rejoint le premier cercle du gaullisme. Conseiller de l'Union française, il cultive ses relations africaines et fait connaissance avec les élus qui seront les futurs dirigeants après l'indépendance. Ancien des services secrets de la France libre, il noyote le SDEC et surtout son service Action. Et c'est enfin l'une des chevilles ouvrières du retour au pouvoir du général en mai 58. Le général qui en fait aussitôt son conseiller pour l'Afrique, mais le charge aussi de superviser les affaires de renseignement, tandis que Foccart prend l'initiative de créer le service d'action civique, le SAC, une association censée soutenir le général, mais qui deviendra assez vite une officine douteuse. Foccart est donc, malgré sa discrétion naturelle, l'un des tout premiers personnages du régime et manifeste une fidélité sans faille au général. Et c'est sans aucun état d'âme qu'il approuve sa politique algérienne, un revirement qui fait des remous au SDEC, où on est plutôt Algérie française. Foccart doit donc épurer parmi ses agents qu'il avait souvent recruté lui-même, une trahison que beaucoup ne lui pardonneront pas et dont ils se vengeront en propageant une vilaine rumeur. Foccart serait en réalité une taupe soviétique infiltrée à l'Élysée. Dans un instant, la suite. Foccart, agent du KGB. La rumeur a eu la vie dure et certains fins l'ont accrédité. La prise de distance du général de Gaulle vis-à-vis de l'OTAN, par exemple, ou le rapprochement avec l'URSS. Mais vous le savez, puisqu'on en a parlé un jour, la taupe de l'Élysée était un agent d'influence. Ouais. Tsar de Michel, c'est ça. C'est ça, oui. Ouais. Un homme qui avait ses entrées au Kremlin. Ouais. Et qui était en même temps très proche des milieux gaullistes et de Foccart en particulier. C'est exact. Mais à partir du moment où nul n'ignorait, y compris le général de Gaulle, que ce type était un agent d'influence, son pouvoir de nuisance était amoindri. Et au contraire, il pouvait rendre des services. Ouais, oui, en faisant passer des messages. Ou en travaillant à faire prospérer les rapports commerciaux entre les deux pays. Enfin là, je m'éloigne un peu. J'ajoute simplement que les suspicions à l'égard de Foccart seront largement alimentées par les services secrets états-uniens. Alors, je reprends là où je m'étais arrêté. Mm-hmm. Foccart doit donc faire le ménage au sein du SDEC, où certains agents n'hésitent pas à aider l'OAS. Comment procède-t-il alors ? Avec la coopération de la sécurité militaire, il crée une sorte d'état dans l'état. C'est-à-dire ? Il s'appuie sur un des secteurs du SDEC, le service 6, qu'on appelle aussi la base Bison. Et ce n'est certes pas un hasard si ce service est installé aux Invalides, là où se trouve aussi le centre des écoutes téléphoniques. Les hommes de Foccart procèdent donc à un fichage systématique des agents du SDEC et à la neutralisation des types censés être favorables aux activistes de l'OAS. Le procédé n'est peut-être pas très orthodoxe, mais il y avait danger. Ouais, les attentats contre le général. Hein. En effet. Ouais. Malheureusement, dans cette lutte contre l'OAS, on va aussi utiliser des personnages douteux. Ouais, des hommes de la pègre, du milieu. Et c'est ainsi qu'on aboutira à une regrettable confusion des genres, car ces truands réclameront des compensations. Et ce sera parfois l'obtention de la fameuse carte du sac. Oui, la carte barrée de tricolore. Et oui, qui permet d'ouvrir bien les portes. Enfin, je n'insiste pas puisque nous avons évoqué le sujet il n'y a pas si longtemps. Il faut simplement quand même rappeler que le véritable patron du sac était Jacques Foccart. Hein. Bien sûr. Ouais. Alors, venons-en au domaine de prédilection de Foccart. L'Afrique. Oui. Un sujet qui intéresse particulièrement le général de Gaulle. Car pour lui, il en va de la grandeur et du prestige de la France. Et c'est pour cette raison que, dès son retour au pouvoir, il invente la communauté. L'appellation est bien connue, mais qu'est-ce que ça recouvre en réalité, cette communauté? Un ensemble de 100 millions d'habitants. La France et ses colonies. Et aussi ses dom-toms. Ouais. Des pays qui seraient liés de façon institutionnelle sur la base de l'égalité. Une fédération, en somme. Tout à fait. Et de Gaulle tient tellement à son projet qu'il entend l'inscrire immédiatement dans la nouvelle constitution qui est en train d'être élaborée. Donc ce n'est pas l'indépendance qui est envisagée. Non, plutôt une libre association qui sera ratifiée par référendum. Mais où la France continuera à jouer un rôle éminent. Évidemment. Et en Afrique même, alors, comment voit-on ce projet? C'est divers. Des dirigeants comme Houphouët Boigny, qui ne veut surtout pas rompre le cordon ombilical avec la France, ils sont plutôt favorables. Mais d'autres, tels Senghor, ils sont hostiles. Non seulement parce qu'ils veulent l'indépendance le plus rapidement possible, mais aussi parce qu'ils estiment que ce projet de communauté marque un recul par rapport à la loi cadre de fer qui leur octroyait une large autonomie et conduisait par conséquent à une marche naturelle vers l'indépendance. Alors, l'adoption par référendum n'est donc pas forcément assurée. Et Foccart laboure le terrain et multiplie les rencontres sur place, tandis que De Gaulle, lui, se fait menaçant. De quelle façon, Il met en garde les sécessionnistes. L'indépendance, dit-il, signifierait un arrêt de l'aide de la France. Ah, c'est une sorte de chantage. Et seul un pays osera dire non, au général. La Guinée de ses couturiers. Oui, je sais, il en paiera les conséquences. Naturellement. Et c'est le dirigeant guinéen qui a annoncé, avant le référendum, nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. C'est ça, lors de la tournée africaine du général. Ça n'a guère plus à De Gaulle, comme vous pouvez l'imaginer. Et le général gardera une dent contre le Guinéen accusé d'être un communiste. Et Foccart, son homme liège, sera à l'origine de plusieurs tentatives de déstabilisation du régime de Sékou Touré. Et même des complots visant à l'éliminer. Ouais, toutefois, n'allons pas trop vite, encore une fois. Oui, certainement pas la dernière, mais je vous en prie, continuez. De Gaulle, vous ne l'ignorez pas, gagne haut la main le référendum sur la nouvelle constitution. Ouais, où a donc été intégrée la création de la communauté. Oui, mais cette belle quasi-unanimité dissimule de puissantes rancœurs. Certains dirigeants africains ont l'impression qu'on leur a forcé la main. Et surtout, ils se rendent rapidement compte que l'existence de cette communauté est très contraignante. Dans quel domaine? L'économie, la monnaie. Et la monnaie qui est l'une des expressions de la souveraineté. Or, Paris impose une monnaie commune. Oui, l'institution de la zone franc. Remarquez, ça n'a pas que des désavantages. En cas de difficultés financières, ces pays peuvent s'adosser au franc. Mais d'un autre côté, la monnaie unique, le franc, profite essentiellement aux investisseurs français. Et la raison d'être de la communauté apparaît pour ce qu'elle est réellement, une institution mise en place pour protéger et développer les intérêts français dans nos anciennes colonies. Une belle construction, mais qui ne tardera pas à se lézarder, malgré les efforts de Foccart, qui bientôt va être nommé secrétaire général de la communauté, et même un tout petit peu plus tard, secrétaire général de la présidence de la République pour les affaires africaines et malgaches. Secrétaire général de la présidence, ça montre bien que De Gaulle accorde une grande importance à ces questions africaines. Ah oui, et l'Afrique le lui rend bien. Le peuple africain, en tout cas. À chacun de ses voyages, il est acclamé, vénéré à l'égal d'un demi-dieu. Toutefois, au milieu de cette belle unanimité, il y a le cas de Sékou Touré. Et à l'Élysée, on a très peur que la Guinée n'entraîne d'autres pays dans la voie du rejet. La contagion, quoi. D'où une première intervention, mais vous dites, contre le dirigeant guinéen. Une tentative d'intervention seulement. Mais il me semble que je vous l'ai déjà raconté. Oui, mais vous pouvez recommencer. Je vous remercie. Donc, dès le début de 1959, c'est-à-dire tout juste quelques mois après le référendum, on tente une manœuvre assez vicieuse. De quoi s'agit-il, alors? D'affaiblir la monnaie guinéenne. Ah oui, pour obliger Conakry à revenir dans le giron français. Évidemment. Pour ce faire, le pays est inondé de faux billets. Mais Sékou Touré ne plie pas. Alors, Jacques Foccart initie une opération visant à provoquer un putsch à Conakry et, si possible, à éliminer physiquement Sékou Touré. Mais qui doit être chargé de l'affaire? Des types du service action du SDEC. Ah oui, les bons amis de Foccart. En tout cas, des agents qui doivent entraîner des opposants guinéens en exil. Mais le coup va échouer à la dernière minute. L'un de ses entraîneurs, un officier para, a des scrupules. Pourquoi? Parce que tout ça doit quand même aboutir à l'assassinat de Sékou Touré. Or, cet homme est très catholique. Ah, une crise de conscience. Et il se confie à un prêtre qui, lui-même, alerte un haut fonctionnaire français, également croyant. Et de fil en aiguille, l'information remonte jusqu'à un ministre qui tombe des nues. Et l'opération doit être abandonnée en toute urgence. Mmh. Échec pour Feuquard et les siens. J'imagine qu'à l'Élysée, on n'a pas dû apprécier. Ah, bah forcément, oui. Ça signifie que De Gaulle était au courant? Bah, même s'il ne connaissait pas tous les détails, oui. Et la meilleure preuve, c'est que Feuquard va se croire autorisé à tenter un nouveau coup contre Sékou Touré, devenu la bête noire du général De Gaulle. Sékou Touré, bête noire du général, en effet. Et cela, depuis le jour où De Gaulle, visitant la Guinée avant le référendum, a été choqué par un violent discours du Guinéen refusant le projet de communauté. Le général, tellement irrité qu'il confie à Feuquard « Je ne veux pas manger avec cet individu ». Effectivement, il boude le repas prévu et dîne en tête à tête avec son conseiller. La suite avec Jacques Feuquard dans le livre d'entretien qu'il a publié en 1995. Le général reste très marqué par l'affront reçu de Sékou Touré. Il faut dire que le président de la République de Guinée est incorrigible. Plus tard, à un moment où les choses semblent pouvoir s'arranger, il organise un défilé. Un défilé en deux temps. D'abord, ses soldats impeccables, puis une espèce de chienlit d'anciens militaires français affublés qui, d'un vieux calot, qui, d'un casque sur des vêtements civils ou des uniformes délabrés en pleine débandade. L'ambassadeur de France, évidemment, quitte la tribune et rend compte. « Vous voyez bien, » me dit le général en apprenant cela, « votre Sékou Touré, il n'y a rien à en tirer. Il nous fera toujours des histoires comme celle-là. Il n'est pas crédible. » Et mon Sékou Touré, poursuit Feuquard, ne cessait pas de faire des discours toujours violents. Avec la meilleure volonté du monde, on ne pouvait pas laisser passer cela sans réagir. Une phrase lourde de menaces. Les services spéciaux français sont à nouveau chargés de préparer une action contre la Guinée. Quand ? Toujours en cette année 59, et toujours en essayant de provoquer un soulèvement. Et l'affaire semble se présenter assez bien. En effet, des maquis viennent d'être créés par des opposants. Et au SDEC, on imagine de synchroniser leur action armée avec l'intervention de commandos à partir des frontières ivoiriennes et sénégalaises. Mais là encore, l'action échouera. Mais pourquoi? Sékou Touré, qui exerce un pouvoir de plus en plus despotique, soupçonne quelques proches d'essayer de le destituer. Et il décide de frapper le premier en ordonnant l'arrestation des présumés comploteurs. Croyant être découvert, les autres opposants, ceux qui étaient prêts à passer l'action armée, paniquent et se débandent. Ah oui, encore un échec, hein? Et une nouvelle grosse colère du général qui désormais se méfiera du SDEC. La piscine, comme on dit. Le président français est d'autant plus exaspéré que les voisins de la Guinée, Côte d'Ivoire et Sénégal, protestent assez hypocritement contre l'utilisation de leur territoire par des hommes du SDEC. Mais pourquoi hypocritement? Parce que si le coup avait réussi, ils auraient été les premiers à se réjouir du renversement d'un voisin remuant et enclin à se rapprocher du camp de l'Est. Mmh. Mais, dites-moi, la colère du général aurait pu aussi retomber sur Feuquard. Hein? Eh bien non. Feuquard demeure auprès du général qui ne lui ménage pas sa confiance. Mmh. Est-ce qu'il y aura d'autres tentatives contre la Guinée? Sans doute, mais beaucoup plus discrètes. Enfin, toutefois, ça permet à Sékou Touré de dénoncer à chaque difficulté qu'il traverse la main de Jacques Feuquard. Oui, on ne prête qu'au riche, n'est-ce pas? Oui, c'est ce que je pense. Quoi qu'il en soit, la communauté, vous le savez, ne va pas durer très longtemps. Donc c'était une utopie, cette Assurément. Idée. Ouais. Et ce que voulaient les pays africains, ce n'était pas une association avec la France, mais leur indépendance. Oui, ce qui va arriver, pour la plupart, hein, en 1960. Mmh, c'était inéluctable. Donc, le général sagement a consenti. Mais pas n'importe comment. C'est-à-dire? Avec tous ces pays, sauf bien sûr avec la Guinée, il a été passé des accords militaires et économiques. C'est très important. Dans le domaine militaire, par exemple, la France garantissait la protection de tous ses États. En cas d'agression extérieure? En principe, oui. Mais on le verra souvent. Des régimes menacés demanderont à la France une aide pour mater par la force leurs opposants. En outre, la France était chargée de les assister et de contribuer à la formation de leurs armées et de leurs forces de l'ordre. Ça permettra à notre pays de stationner des troupes dans un certain nombre de ces États. Mmh. Et en matière économique? Des accords spécifiques ont été passés, garantissant des priorités à la France pour les achats de matières premières stratégiques, uranium ou cuivre, par exemple. Alors, si je vous comprends bien, là, l'indépendance consentie à ces pays était souvent fictive. D'autant que dans la haute administration, on va trouver beaucoup de Français. Le président Fouad Boigny, celui qu'on appelle notre homme en Afrique, restera jusqu'à sa mort assisté de collaborateurs français. Et puis, il faut aussi souligner l'action de nos services secrets. Feuquard veillera à truffer nos ambassades, nos représentations commerciales ou culturelles d'agents du SDEC qui constitueront au fil des ans un service bis, un réseau pratiquement autonome qui ne dépend que de Focard. Autant d'agents et d'informateurs chargés de veiller au grain. Mmh. Et d'éviter les troubles. Et surtout de lutter contre la subversion. Or, à cette époque, les marxistes gagnent en influence. Mais dans tous les pays du tiers-monde. Exact. Ouais. Ils ne se privent pas de dénoncer l'aspect néocolonialiste de la politique française en Afrique. Et si je vous ai bien entendu, ils n'ont pas tout à fait tort. Naturellement. Ce qu'on a donné aux dirigeants de nos anciennes colonies, c'est une indépendance tempérée, si je puis dire. La France entend toujours exercer sa tutelle et veille jalousement à ce qu'aucune autre influence extérieure ne vienne menacer ses intérêts. Donc une suggestion économique. Oui. C'est pourquoi l'Afrique continue à produire des matières premières, mais ne les transforme pas. Donc indépendance politique, mais dépendance économique. Oui, quand vous dites indépendance politique, c'est vite dit. Focard, qui noue, il faut le reconnaître, des liens amicaux et sincères avec la plupart des chefs d'État africains francophones, et là pour empêcher tout débordement. Un mot avant de poursuivre sur les relations qu'il entretient avec ses dirigeants. Pour eux, Focard, c'est l'homme qui est capable de résoudre toutes leurs difficultés. Et pas seulement des difficultés politiques. Que voulez-vous dire, là? Ben, il lui est arrivé d'être amené à s'occuper de problèmes purement privés, et même conjugaux. Ainsi au Gabon, et également en Centrafrique, avec Bokassa. Mais Bokassa, l'ancien soldat de la coloniale, qui appelait le général de Gaulle, papa. Mais autant vous dire que ça agaçait profondément le général. Enfin, continuons. Lorsqu'il le faut, Focard est capable d'intervenir brutalement. C'est le cas au Cameroun, où dans la plus grande discrétion, l'armée française va mater une rébellion progressiste. Répression qui fera des milliers de morts. Oui, mais parce que, à l'époque, seuls les événements d'Algérie préoccupent l'opinion en France. Donc on parlera pratiquement pas du Cameroun. Comme on ne parlera pas beaucoup de l'assassinat des deux leaders de l'opposition camerounaise, Ruben Niobe et Félix Moumié. Moumié, assassiné en Suisse par des agents du SDEC. On a évoqué cette affaire il y a peu de temps. Ensuite, la France jouera un rôle dans la liquidation physique du leader togolais, Sylvanus Olympio, par un sergent qui deviendra le président Eyadema. Un homme qui sera ensuite accueilli très officiellement à l'Élysée et deviendra l'un des meilleurs amis de Jacques Focard, qui le recevra même chez lui. L'année suivante, en 1964, des soldats français viendront au secours du Gabonais, Léon Mba, et sauveront son régime menacé par des putschistes. Et ensuite, Mba étant malade, la France procédera pratiquement à l'intronisation du président actuel, Bongo. Autre intervention notable de Focard, l'affaire congolaise. Une histoire pittoresque. En 1963, le président, l'abbé Fulbert Youlou, l'homme aux robes roses, est renversé par des militaires d'obédience marxiste. Mais c'est le temps des vacances. Focard est parti pêcher en mer où il est injoignable. Quant à De Gaulle, il est en famille à Colombey. Et la garnison présente à Brazzaville n'ose pas prendre d'initiative. Bref, quand un feu vert pour une intervention armée arrive enfin, il est trop tard. Et l'abbé est prisonnier des mutins. Ouais, embarras à Paris. Ouais. Et finalement, pour ne pas perdre la face, De Gaulle ordonnera à Focard de tout faire pour libérer le président déchu. Et Focard réussira ? Effectivement. Avec la connivence de Moïse Tshombe, devenu premier ministre de l'autre Congo, l'ex-Congo belge. Des commandos traverseront le fleuve Congo et exfiltreront l'abbé. Et à ce sujet, il faudra encore parler de notre politique dans ce qui deviendra le Zaïre. Nous avons prodigué dès le début des encouragements au sécessionniste katangais Moïse Tshombe. Oui, celui qui deviendra président ensuite. Et pas seulement des encouragements, puisqu'on lui a envoyé des mercenaires. Une façon assez habile de se débarrasser par la même occasion de quelques éléments activistes susceptibles de rejoindre l'OAS. Ouais. Justement, alors, avant de poursuivre sur les activités africaines de Jacques Focard, parlons de l'OAS. Quel rôle a-t-il joué, lui, dans la lutte contre l'organisation terroriste? Sans figurer au premier plan, puisque ce combat était dirigé et coordonné par le ministère de l'Intérieur. Oui, Roger Frey et Alexandre Sanguinetti. Oui. Essentiellement, oui. Jacques Focard a apporté sa pierre en mobilisant ses compagnons de la France libre, ceux du moins qui n'ont pas choisi le camp de l'Algérie française. Il a travaillé, par exemple, à infiltrer des hommes sûrs dans les services de police. Et surtout, il s'est pleinement impliqué dans les mesures de sécurité à mettre en œuvre autour du général de Gaulle. Enfin, autant vous dire qu'il a eu fort à faire. Oui, parce que le général a été menacé quand même à plusieurs reprises. Il a même failli être tué dans l'attentat du petit Clamart. Bien sûr. Mais le plus dur a été de convaincre le général d'accepter ces mesures. Et nul autre que Focard, qui était maintenant un des plus anciens collaborateurs de Gaulle, n'aurait pu obtenir un tel résultat. J'ajoute que, pour arriver à ses fins, il a peut-être même donné un petit coup de pouce au destin. De quoi vous voulez parler, là ? En septembre 1961, le général, comme il le fait presque chaque semaine, part pour Colombey, où il a l'intention de passer le week-end. Mais à Pont-sur-Seine, une bombe éclate au passage du convoi présidentiel. Un attentat raté. Oui, un très curieux attentat dont on se demandera s'il n'a pas été commandité par Focard en personne pour convaincre le général qu'il court un vrai danger et que la lutte contre l'ORS doit être renforcée. Et vous y croyez, vous, à ce faux attentat ? Pourquoi pas ? En tout cas, quoi qu'il en soit, Focard obtient satisfaction et avec l'aide des gardes du corps du général, des hommes qui pour la plupart avaient rejoint le sac, il a donc réorganisé les mesures de protection autour du président. Et plus tard, lors du procès des auteurs présumés de l'attentat... Le faux attentat, ouais, ouais. Après avoir refusé de comparaître, il démentira toute implication. Et le bouillant Tixier Vignancourt, avocat de la défense, se gardera curieusement d'accabler Focard. Ah, comme s'il avait existé une sorte de marché entre Focard et les accusés. On peut parfaitement l'imaginer. Focard, l'homme de la France-Afrique. Et aussi l'artisan de pas mal de coups tordus, selon M. X et son biographe Pierre Péan. Toutefois, voici comment il justifie son action, dissimulée sous le vocable plus convenable de coopération. La politique systématique d'aide aux pays sous-développés a été délibérément poursuivie par la France depuis la conférence de Brazzaville et les années qui suivirent la libération. Tout naturellement appliquée aux pays relevant de la souveraineté française, elle est devenue la condition même de la réussite de l'acheminement progressif des peuples coloniaux à la gestion totale de leurs propres affaires, en leur donnant effectivement les moyens de construire une administration d'État sans laquelle rien ne pouvait subsister et par conséquent n'aurait pu se réaliser leur développement culturel, économique et social. Au surplus, quels que soient les efforts qu'ils pouvaient accomplir par eux-mêmes, une aide venue de l'extérieur était indispensable si l'on voulait que ces transformations ne soient ni trop longues ni trop dures pour les peuples colonisés. Certes, les heurts, les rébellions, les drames de la rupture avec la France, qui ont eu pour terrain certaines régions de l'ancien domaine français, ont pu remettre en question, au moins momentanément, ce grand projet, et jusqu'à ses fondements eux-mêmes. Cependant, dans les pays d'Afrique noire, avec lesquels la France a signé des accords de coopération, il est juste de reconnaître que rien de tel ne s'est passé. C'est un fait capital dont la France a voulu tenir compte. Un dernier mot pour en finir avec l'OAS. Ce que l'on savait de l'influence de Focard auprès du général de Gaulle a conduit nombre de compagnons, comme on disait alors dans les milieux gaullistes, à s'adresser directement aux conseillers de l'Élysée lorsqu'ils avaient connaissance d'une information touchant à l'activité de l'OAS ou la sécurité du président. C'est aussi pour cette raison que le mythe de Focard, personnage occulte et tout-puissant, s'est construit. Mais alors, ce faisant, Focard a court-circuité les services officiels. Ah ben ça, c'est parfaitement exact. Alors, après cette parenthèse, revenons à l'Afrique, si vous voulez bien. La grande affaire de Focard, vers la fin des années 60, c'est le Biafra. Oui, à cause du pétrole. Et à l'instigation d'elfes qui voudraient rafler une partie du pétrole nigérian guigné par les compagnies anglo-saxonnes. Il faut rappeler que le Nigeria est une ancienne colonie britannique. Et il ne déplaît pas au général de Gaulle de planter quelques banderilles dans le précaré britannique. En outre, il y a le symbole, ce petit pays, le Biafra, qui résiste à plus grand que lui et se bat pour son indépendance. Ça a tout pour séduire le président français. Par conséquent, il prend fait et cause pour les Biafrais. En principe, l'aide apportée par la France est humanitaire. Mais très vite, au milieu des caisses de médicaments ou des colliers alimentaires, on va trouver des armes et des munitions. Autant de matériel militaire qui transiteront parfois dans les avions de la Croix-Rouge. Et puis plus tard, c'est un véritable réseau de transport clandestin qui va se mettre en place. Avec l'aide de quelques mercenaires et des types du SDEC, tous liés à Focard, et qui bénéficieront du soutien logistique de certains pays amis africains. La Côte d'Ivoire, j'imagine. Bien entendu, Fouette-Boigny a sans doute été le chef d'État africain le plus lié à Focard. Songez qu'il se téléphonait toutes les semaines, le mercredi, je crois. Enfin, revenons brièvement au Biafra. L'aide aux sécessionnistes a aussi été matériellement encouragée par l'Afrique du Sud. Et c'est un point qu'il faut souligner. Focard, le grand ami de l'Afrique noire, a toujours soutenu les dirigeants du pays de l'apartheid. ou encore le régime rhodésien de Ian Smith, à qui il enverra des mercenaires. Bref, ce qu'on a appelé le pouvoir blanc en Afrique. Hein. Et apparemment, ses meilleurs amis africains ne lui en ont jamais tenu rigueur. Pourquoi ? Parce qu'ils y trouvaient leurs intérêts ? Naturellement. Sous Foccart, assuré de la confiance paternelle du général de Gaulle, il vivait tranquillement. En tout cas, l'aide française au Biafra cessera avec la disparition du général. Hein. Oui, Pompidou, son successeur, y mettra fin. À un moment où tout indique que les Biafrais ont irrémédiablement perdu. Et malgré un odieux chantage à la famine, des milliers d'enfants mourront à cause de cette guerre du pétrole. Alors, le pétrole, justement. La compagnie ERAP est devenue ELF, alors que le général était au pouvoir. Et de Gaulle a voulu aussitôt en faire un instrument à la fois économique et politique. Économique, pour contribuer à l'indépendance énergétique de la France. Politique, car c'est un instrument de pouvoir dans les pays où elle exploite la ressource pétrolière. Et ce n'est pas par hasard que la présidence de cette société publique est confiée à Pierre Guillaume. Guillaume, un petit rappel, là. Volontiers. Ce grand serviteur de l'État est un ancien résistant qui s'est occupé de politique énergétique et de défense dès la libération. Il sera, par exemple, un des pères de la bombe atomique française. Puis, avant de devenir patron d'ELF, il sera ministre des armées. Ajoutons que c'est aussi un proche de Jacques Foccart. Assez rapidement, la compagnie pétrolière joue un grand rôle dans notre politique africaine. Comment ? ELF, principalement installée au Gabon, permet à la France de mettre en place une véritable diplomatie parallèle, indépendante du Quai d'Orsay où l'on est trop formaliste. On développe donc une politique néocolonialiste sans complexe, où l'argent circule à l'abri de toute curiosité. Les caisses des dirigeants africains se remplissent, tandis que le fameux système des rétro-commissions alimente les trésoreries de certains partis français. La corruption. Qui attendra des sommets. Parce que certains dirigeants, pour se payer des armes ou accroître leur fortune, iront jusqu'à gager les futures productions de pétrole de leur pays. Ouais. Ils sont donc vite étranglés. Exactement. En outre, ELF se dote d'un service de sécurité qui devient très vite un nid de barbouzes. Les hommes de Foccart ? Et venant du SDEC pour la plupart du temps, ou qui retourne ensuite. C'est très pratique d'agir sous la couverture de la compagnie. Puis c'est aussi très rentable. Moi, tout le monde y gagne, en somme. Ça permet aussi de financer à moindre coût le ou les réseaux Foccart. Oui, puisque c'est elle qui paye. Et c'est ainsi que Foccart, le véritable père de la France-Afrique, a pu édifier un écheveau complexe fait de relations personnelles étroites et de services rendus. Ouais. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Oui, c'est à peu près ça. Ouais. Et notez-le bien, ça permet à Foccart de durer, même après la démission puis la mort du général. Pompidou, qui se méfie instinctivement de toutes ces histoires de barbouze, désigne un nouveau patron à la tête du SDEC, un ami personnel, Alexandre de Maranche. À charge pour lui de mettre fin à ses copinages illicites. Ouais. Et nous l'avons vu la semaine dernière, il donne un vrai coup de balai. Hein. Mais Foccart peut toujours compter sur ce deuxième service secret qui existe au sein de ELF. Et grâce aux hommes qu'il y a placés, il peut encore jouer un rôle en Afrique. Même sous Valéry Giscard d'Estaing ? Oui, Giscard d'Estaing est un grand amoureux de l'Afrique. Pour son malheur. Hein. En effet. Bon, l'affaire des diamants lui sera fatale, mais enfin passons. Certes, Jacques Foccart a en principe été écarté. Toutefois, c'est l'un de ses fidèles, René Journiac, qui est chargé des affaires africaines à l'Élysée. Et au Gabon, qu'on appelle parfois le Foccart Land, c'est l'un de ses proches, un ancien du SDEC, Maurice Robert, qui est nommé haut représentant de la France. Donc Foccart garde une influence certaine en Afrique. Et il n'a pas renoncé à soutenir ou initier quelques coups de main. Au Niger, par exemple, quelques jours après la mort de Pompidou. Ah, qu'a-t-il manigancé, là ? Oh, un putsch, tout simplement. Un putsch contre le chef de l'État, Diori Amani, coupable de vouloir réviser à la hausse le prix de l'uranium nigérien. Et puis on verra encore la main de Foccart dans le renversement du président Marianne Gouabi au Congo, ou les aventures de Bob Denard au Bénin. Il n'a donc pas pris sa retraite. Ah non, et malgré le fait qu'il n'occupe plus de fonctions officielles, les dirigeants africains continuent à lui rendre visite dans son appartement parisien ou dans sa villa de Lusarche. Alors, quand vient 1981 et l'arrivée de la gauche au pouvoir ? Les socialistes, dans un grand sursaut vertueux, annonce qu'il faut mettre fin au système Foccart et fonder nos rapports avec les pays africains sur de nouvelles bases. Je me souviens qu'un ministre de la coopération, Jean-Pierre Cotte, est chargé de mettre en musique cette nouvelle politique. Hein. Ça ne dure pas. Cotte est rapidement viré. Et on retombe dans les ornières d'un système qui a malheureusement fait ses preuves. On n'efface pas d'un simple coup de torchon des décennies de complicité et de compromission. Et l'ombre de Foccart continuera de peser longtemps sur nos relations avec l'Afrique. Jacques Foccart sera à nouveau en charge des affaires africaines sous la première cohabitation de 1986 à 88. Puis, en 1995, élu président de la République, Jacques Chirac le rappellera auprès de lui. Mais Foccart est alors vieux et physiquement diminué, et voici ce que peuvent écrire Antoine Glaser et Stephen Smith dans un livre passionnant, « Ces messieurs Afrique, des réseaux aux lobbies ». Ne fréquentant plus l'Afrique lui-même, manquant de jambes et d'yeux, il s'est servi de Missy Dominici sans se rendre compte que cela se servait de lui, tous n'étant pas aussi dévoués qu'Odette, sa secrétaire, amie de longue date et majordome. « Je vais apporter des chocolats aux vieux, » disait-il, se gaussant du perroquet qui va encore les bouffer. Au sens intéressé du terme, ils ont tiré profit de Jacques Foccart, revenu au cœur de l'État à l'Élysée. En était-il dupe, cependant, ou pensait-il que c'était là le prix à payer? Le fait est que Jacques Foccart est redevenu la tête de pont du réseau lorsque celui-ci, en vérité, n'existait déjà plus. Déchiré en lambeaux, taillé en pièces par des rivalités personnelles, transformé en circuit financier pour siphonner l'argent noir du continent, le réseau s'était privatisé, entièrement dépravé. Les deux tomes de l'ouvrage de Glaser et Smith ont été publiés chez Calman-Lévy.